Jérémie chapitre 36. Or il arriva, en la quatrième année de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda, que cette parole fut adressée par l'Éternel à Jérémie, en disant, prends-toi un rouleau de livres, et écris toutes les paroles que je t'ai dites contre Israël, et contre Juda, et contre toutes les nations, depuis le jour que je t'ai parlé, c'est-à-dire, depuis les jours de Josias, jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que la maison de Juda, fera attention à tout le mal que je pense de leur faire, afin que chacun se détourne de sa mauvaise voie, et que je leur pardonne leur iniquité et leur péché. Jérémie donc appela Baruch, fils de Nerija, et Baruch écrivit, de la bouche de Jérémie, dans le rouleau de livre, toutes les paroles de l'Éternel, lesquelles il lui dicta. Puis Jérémie donna charge à Baruch, en disant, je suis retenu, et je ne puis entrer dans la maison de l'Éternel. Tu y entreras donc, et tu liras dans le rouleau que tu as écrit, et que je t'ai dicté de ma bouche, les paroles de l'Éternel, le peuple l'entendant, en la maison de l'Éternel, au jour du jeûne, tu les liras, dis-je, tous ceux de Juda, qui seront venus de leur ville, l'entendant. Peut-être que leur supplication, sera reçue devant l'Éternel, et que chacun se détournera de sa mauvaise voie, car la colère et la fureur que l'Éternel, a déclaré contre ce peuple, est grande. Baruch donc, fils de Nerija, fit selon tout ce que Jérémie, le prophète lui avait commandé, lisant dans le livre les paroles de l'Éternel, en la maison de l'Éternel. Or il arriva, en la cinquième année de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda, au neuvième mois, qu'on publia le jeûne, en la présence de l'Éternel, à tout le peuple de Jérusalem, et à tout le peuple qui était venu des villes de Juda à Jérusalem. Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie, en la maison de l'Éternel, dans la chambre de Guémarja, fils de Safan, secrétaire, dans le haut parvis, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel, tout le peuple l'entendant. Et quand Miché, fils de Guémarja, fils de Safan, eut ouï, par la lecture du livre, toutes les paroles de l'Éternel. Il descendit en la maison du roi, vers la chambre du secrétaire, et voici, tous les principaux y étaient assis, savoir, Elisama le secrétaire, et Delaja, fils de Semaja, Elnathan, fils d'Agbor, et Guémarja, fils de Safan, et Sédécia, fils de Ananja, et tous les principaux. Et Miché leur rapporta toutes les paroles qu'il avait ouïes, quand Baruch lisait au livre, le peuple l'entendant. C'est pourquoi tous les principaux envoyèrent vers Baruch, Jéhudi, fils de Netanja, fils de Sélanja, fils de Chussi, pour lui dire, prends en ta main le rouleau dans lequel tu as lu, le peuple l'entendant, et viens ici. Baruch donc, fils de Nerija prit le rouleau en sa main, et vint vers eux. Et ils lui dirent, assieds-toi maintenant, et lis, nous l'entendant. Et Baruch lut, eux l'écoutant. Et il arriva que sitôt qu'ils eurent ouï toutes ces paroles, ils furent effrayés entre eux, et dirent à Baruch, nous ne manquerons point de rapporter au roi toutes ces paroles. Et ils interrogèrent Baruch, en disant, déclare-nous maintenant comment tu as écrit toutes ces paroles-là de sa bouche. Et Baruch leur dit, il me dictait de sa bouche toutes ces paroles-là, et je les écrivais avec de l'encre dans le livre. Alors les principaux dirent à Baruch, va, et te cache, toi et Jérémie, et que personne ne sache où vous serez. Puis ils s'en allèrent vers le roi, au parvis, mais ils mirent en garde le rouleau dans la chambre d'Elisama le secrétaire, et ils racontèrent toutes ces paroles, le roi l'entendant. Et le roi envoya Jéhudi pour prendre le rouleau, et quand Jéhudi l'eut pris de la chambre d'Elisama le secrétaire, il le lut, le roi et tous les principaux qui assistaient autour de lui l'entendant. Or le roi était assis dans l'appartement d'hiver, au neuvième mois, et il y avait devant lui un brasier ardent. Et il arriva qu'aussitôt que Jéhudi en eut lu trois ou quatre pages, le roi le coupa avec le canif du secrétaire, et le jeta au feu du brasier, jusqu'à ce que tout le rouleau, fut consumé au feu qui était dans le brasier. Et ni le roi, ni tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles, n'en furent point effrayés, et ne déchirèrent point leurs vêtements. Toutefois Elnathan, et Delaja, et Guémarja, intercédèrent envers le roi, afin qu'il ne brûlât point le rouleau, mais il ne les écouta point. Même le roi commanda à Jéraméel, fils de Amélec, et à Séraja, fils d'Azriel, et à Sélanja, fils d'Abdéel, de saisir Baruch le secrétaire, et Jérémie le prophète, mais l'Éternel les cacha. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, après que le roi eut brûlé le rouleau, et les paroles que Baruch avait écrites de la bouche de Jérémie, en disant « Prends encore un autre rouleau, et écris toutes les premières paroles, qui étaient dans le premier rouleau que Jéhojakim, roi de Juda, a brûlé. Et tu diras à Jéhojakim, roi de Juda, ainsi a dit l'Éternel, tu as brûlé ce rouleau, et tu as dit, pourquoi y as-tu écrit, en disant que le roi de Babylone viendra certainement, et qu'il ravagera ce pays, et en exterminera les hommes et les bêtes? C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, touchant Jéhojakim, roi de Juda, il n'aura personne qui soit assis sur le trône de David, et son corps mort sera jeté de jour à la chaleur, et de nuit à la gelée. Je visiterai donc sur lui, et sur sa postérité, et sur ses serviteurs, leur iniquité, et je ferai venir sur eux, et sur les habitants de Jérusalem, et sur les hommes de Juda, tout le mal que je leur ai prononcé, et qu'ils n'ont point écouté. » Jérémie donc prit un autre rouleau, et le donna à Baruch fils de Nerija, secrétaire, lequel y écrivit, de la bouche de Jérémie, toutes les paroles du livre que Jéhojakim, roi de Juda, avait brûlé au feu, et plusieurs paroles semblables y furent encore ajoutées.